Pour ce dernier chapitre de la Retro Honda 2014 de réanimation, je m'attarderai aux albums métal qui parurent entre octobre et décembre 2014, bien sûr, la période de l'année où tout devient sombre et froid. La période où la majorité des gens tombent dans un état de léthargie et de dépression profonde. Un spectacle de réjouissance pour les personnages perfides et méchants comme moi. Donc, réjouissez-vous ce soir de me voir rire et de me foutre de votre tronche de cake, parce que voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque vous lui racontez ses problèmes et décrivez vos douleurs et que son premier réflexe est de rire en s'en donner mal au bide. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause hi, Pendragon said so. Mais avant de dire go, afin de ne pas briser cette tradition de la rétro Undead depuis les dernières semaines, une nouveauté, Venom. Trois extraits de ce nouvel album, From the Very Death. Go. je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. En ce 3 février, oui, effectivement, de l'an de disgrâce 2015, je suis le Dr. Payne Pendragon, je vous accompagne métalliquement, et ce, jusqu'à 21h. Et oui, nouvel album pour Venom, l'album étant From the Very Death, qui est paru le 26 janvier dernier, donc la semaine dernière. C'est un 14e album pour, je dis la formation, oui, d'une certaine façon, mais ce qu'il faut savoir avec Venom, c'est que avant toute chose, c'est Kronos, c'est c'est un membre fondateur, bien entendu, puisqu'on sait que maintenant, depuis plusieurs années, Abaddon et Mantas ne sont plus là. C'est un trio encore maintenant. Qui est composé de Kronos, bien entendu. De son vrai nom, il y a le mot Thomas, le nom Thomas, ouais, c'est Conrad Thomas Land, voilà. Est composé de Conrad Thomas Kronos Land, ou à la basse et au vocal, bien entendu, de Rage, qui est le guitariste depuis 2007, qui est vachement laid d'ailleurs, et de Dante, qui est le batteur depuis 2009. Donc, je pense que j'en avais discuté avec le Rockmaster et j'ai fait des vérifications. C'est effectivement le cas, semblait-il. C'est la deuxième fois qu'il conserve ce line-up pour un deuxième album consécutif. Donc, est-ce qu'il est dur à vivre? J'en ai aucune idée, mais semble-t-il qu'il ait changé assez souvent d'alignement. Quoi qu'il en soit, ce 14e album, je le trouve, ma foi, assez sympathique. Je dois dire d'emblée que je suis pas un grand fan de Venom, là, comme si vous voulez aller lire la petite chronique que j'en ai fait sur le site de réanimation AD.com, je le stipule honnêtement que je ne suis pas un grand fan de Venom. Les premiers albums, si on parle Black Metal, Welcome to Hell Black Metal, oui, ça avait suscité de l'intérêt de ma part, bien entendu, au début des années 80, parce que c'était du jamais vu. C'était assez l'hécatombe, là, si on veut. Mais la qualité d'enregistrement de ces albums-là était tellement mauvaise qu'aujourd'hui, je pense qu'elle fait partie du mythe. Je pense qu'on ne peut plus imaginer ses premiers albums avec une bonne qualité d'enregistrement. Ça enlèverait du charme. Mais quoi qu'il en soit, Venom, c'est une formation que je respecte tout de même. Mais cet album-là, je dois dire honnêtement que je l'ai trouvé très intéressant et très correct. Probablement plus, oui, que l'album Hell de 2008 et l'album Metal Black que j'avais trouvé correct, là, mais sans plus. From the Very Death, c'est un album qui... j'ai retiré trois pièces très très percutantes, si on veut, qui se démarquent de l'album. Ils ne sont pas tous bonnes, bien entendu. C'est un album qui est relativement égal aussi, mais ces pièces-là sont vraiment excellentes. C'était Temptation, je pense qu'il l'a dit suffisamment de fois pour qu'on puisse reconnaître le titre de la pièce. C'était précédé de The Death of Rock and Roll. J'y crois plus ou moins. Ça devait être ironique, j'imagine. Et la pièce-titre, From the Very Death, qui sont des pièces représentatives de la qualité de cet album. En fait, sur le site de réanimation, j'ai écouté l'album quand même, je dirais, un 4 à 5 fois pour m'en faire une bonne idée. Et je devrais peut-être même réviser ma cote, honnêtement, parce que je lui ai donné un 7 sur 10 et je pense qu'il mérite un 7,5, honnêtement, et assez facilement. On le retrouve sous étiquette Spine Farm Records. C'est disponible en CD. J'ai pas trouvé d'édition vinyle LP, si vous préférez. C'est peut-être à venir, sait-on jamais. Je vais revérifier tout à l'heure. Peut-être que ça a changé depuis que j'ai mis ma chronique en ligne. Évidemment, c'est la quatrième et dernière émission consacrée à les Retro Undead 2014. On a déjà passé trois autres épisodes, dont deux de mes choix, et le premier étant ceux du Rockmaster, c'est-à-dire le 13 janvier dernier. Donc, on va conclure ça ce soir parce que faut que toute bonne chose ait une fin, et même les mauvaises, généralement. Et prioritairement, dois-je dire. On a une chronique musicale aussi, petite chronique musicale, mais par contre, on a une bonne chronique cinéma, parce que j'ai aussi la section de mes best de 2014, dont je n'ai pas fini de faire la nomenclature. Je vais essayer d'y aller en accéléré. Et si on a le temps aussi, on aura peut-être une nouveauté aussi vers la fin de l'émission, qui est une formation canadienne, ontarienne, Arbitrator. Donc, c'est un single qui est disponible présentement pour la sortie de l'album qui, je crois, se fait dans le bout du 20 ou 23 février. En fait, je vais le confirmer aussi un peu plus tard, sans plus attendre. Allons-y avec une formation américaine qui fait partie de mon top 10, qui en fait est à la 5e position. Il s'agit de la formation Exodus, une formation qui existe depuis 1979. Et leur 11e album studio complet, soit Blood and Blood Out, qui est paru le 10 octobre dernier. J'ai trouvé, en fait, c'est un des très très rares albums, sinon le seul dans la catégorie Thrash Metal que j'ai inclus. Oui, c'est le seul, effectivement, que j'ai inclus dans mon top 10, top 10, top 1-0, comme vous voulez. De 2014, il y a beaucoup d'albums thrash metal qui sont sortis, puis beaucoup de crap, je dois dire aussi. Beaucoup de choses qui sont très copiées-collées, sans saveur, si on veut. Le thrash est vraiment, vraiment, mais vraiment rendu à une étape où il devrait peut-être penser à hiberner pendant un certain temps pour peut-être se ressourcer parce que c'est usé à la corde. Mais il y a des bonnes choses qui réussissent à sortir tout de même à travers le tas de cochonneries qu'on nous propose. Puis j'ai le verbe cru, j'en conviens, mais c'est la réalité tout de même. Et Exodus, pour moi, en fait partie. Surtout que c'était le retour du chanteur Steve Zitro Souza. C'est un chanteur que j'ai toujours apprécié au sein d'Exodus. Moi, j'étais fort content de le voir revenir. Je trouve qu'il fait un bon travail, ben, du moins en studio. Contrairement à bien des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais ça, je suis toujours à part des autres ou à peu près. Donc, je vous propose d'aller immédiatement aller écouter une pièce d'Exodus qui porte le titre de Collateral Damage, que l'on retrouve sur Blood and Blood Out. On va poursuivre avec une formation américaine, une autre fois, qui est Revocation, et on va terminer ce premier bloc de trois pièces avec une autre formation américaine qui donne dans un death metal, Abyss Meltdown. Go! Watch it!

Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou d'électro. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et jusqu'à 21h. Ben, pas C'est Fou, parce que c'est toujours, mais réanimation. On vient d'entendre la formation américaine Abyss Meltdown et leur quatrième album studio complet, soit Obsolescence, qui est paru le 24 octobre dernier sous étiquette Relapse. On a entendu la pièce Inanimate. C'est selon moi une des meilleures de l'album. L'album est bien, il est fort bien cet album. Je préférais son prédécesseur, Leveling the Plane of Existence, qui lui est paru en 2011. Pardon. Mais je dois dire que... Obsolescence, c'est quand même assez bien. Il ne fait pas partie de mon top 10 des albums préférés 2014 ou de mon top 10 mention. Parce qu'à un moment donné, ben, il faut faire un choix, là. Mais je l'ai quand même bien aimé, cet album-là. Juste auparavant, nous avions Revocation, autre formation américaine, avec un album qui est paru le 14 octobre dernier. Leur cinquième album, soit Deathless, sous étiquette Metal Blade. Ce qu'il faut dire avec Revocation, c'est que je n'aime pas vraiment le vocal de ce band. Ben, en fait, je le déteste pas, mais rapidement, il me tombe sur les nerfs, cette espèce de mauvais chanteur metal. Mais musicalement, je trouve que c'est assez correct. C'est pas l'album qui m'a le plus emballé, loin de là, mais j'ai trouvé qu'il valait la peine d'en parler. C'était la pièce Labyrinth of Eyes. Et on a ouvert avec une autre formation Made in USA, soit Exodus, qui ne sont plus à présenter. Et leur 11e album en carrière, qui est paru le 10 octobre dernier, sous étiquette Nuclear Blast, sur Blood In, Blood Out. Celui-là, je l'ai dit, c'est la cinquième position de mon top 10. La pièce étant Collateral Damage. J'ai bien aimé cet album et je continue encore de bien l'aimer. On va faire une première premier jet au niveau cinéma. Dans ce que j'ai retenu, parce que je me mets une limite, évidemment, là aussi, pour ce qui m'a plu le plus en 2014, ben en fait à chaque année si on veut. Il y a un film qui est vraiment excellent et puis écoutez, ça se peut que je n'ai parlé brièvement la semaine dernière, mais si c'est le cas, je vais me répéter et je ne m'en excuse pas du tout. Il s'agit de Gone Girl. C'est un film qui met en vedette Ben Affleck. Et il faut dire une chose, Ben Affleck, là, c'est vraiment pas la même personne qu'on a connue il y a 15 ans, là, et peut-être même 20, là, dans ses premiers films où il était comme, à l'époque, je crois, où il sortait avec Jennifer Lopez. ça dénotait pas beaucoup de jugement de sa part, mais bon. À l'époque où il faisait des films qui étaient supposément comédies, là, mais qui étaient des films très jetables, c'est plus vraiment le gars, le même gars, il a vraiment maturé. Il passe maintenant autant de temps derrière la caméra que devant. Gone Girl, c'est un drame, je dirais, psychologique à tendance thriller qui est vraiment excellent. C'est très, très bon. Ça raconte l'histoire de la disparition de son épouse. Et contrairement à toute attente, eh bien, lui qui prouve qui n'est absolument pas impliqué dedans, eh bien, tout se retourne contre lui, mais c'est vraiment de façon inattendue. Et c'est excessivement original comme film. Je le recommande tout à fait. Autre film d'action, The November Man, qui met en vedette Pierce Brosnan. Je suis pas un gros fan de lui, mais je dois dire que probablement, comme bien des acteurs en vieillissant, ils sont comme le bon vin, ils s'améliorent énormément. Et j'ai trouvé très bon le film The November Man, dans lequel Brosnan incarne un ancien, disons, liquidateur, si on veut, qui doit reprendre du service. Mais ça, c'est très stéréotypé comme scénario. Mais c'est bien fait, c'est bien interprété. Et je dois dire qu'il est fort crédible dans son rôle. Un des très bons films d'action de l'année 2014 est un film qui met en vedette Denzel Washington, c'est The Equalizer. C'est un peu le même principe. Lui aussi, c'est un liquidateur, un nettoyeur, un éliminateur qui s'est rangé tout à fait et qui, par la force des choses, doit reprendre lui aussi du service. C'est pour ça que je disais que c'était très stéréotypé comme scénario. Mais par contre, ça se démarque là aussi parce que c'est assez violent, je dois dire là. Mais Washington fait un très bon travail là-dedans, il est fort crédible et c'est de la très bonne action, je dois dire. Un autre film un peu dans le même genre, caractère criminel avec peu mafieux, c'est The Prince qui met en vedette Bruce Willis. Ben en fait, c'est pas lui la tête d'affiche réellement, c'est plutôt John Cusack. Ben ça aussi c'est très bon. Bruce Willis joue un excellent méchant dans ce film-là, je dois le dire. Film de science-fiction qui est la suite du premier, mais en fait ce sont des remakes bien sûr. C'est La Planète des Singes, le deuxième Dawn of the Planet of the Apes, qui est vraiment tout aussi bon que son prédécesseur qui était Rise of the Planet of the Apes. C'est une très belle adaptation actuelle, moderne, je dirais technologique. De ce classique des années 60 et début 70 qui est il y a 5 Planet of the Apes, je crois, originalement. Là, c'est le deuxième, je sais pas s'ils vont se rendre jusqu'à la totalité, mais c'est fort bien fait et c'est très agréable à écouter. Un drame à caractère, social, oui. Il y a un aspect aussi qui... de tribunal, de loi, si on veut. C'est The Judge, qui met en vedette deux très, très bons acteurs qui font partie de mes acteurs préférés, soit Robert Duvall, que j'ai toujours trouvé extraordinaire, et Sammy Davis Jr., qu'est-ce que je raconte, là? Robert Downey Jr., qui est vraiment un excellent acteur aussi. C'est un excellent film qui raconte l'histoire de... Robert Downey Jr. est un avocat, un procureur, et il devra faire face à son père qui est juge et qui l'a toujours fort dénigré. C'est vraiment très, très bon. Film à caractère horreur, si on veut, je dirais peut-être plus à connotation fantastique par moment. Il s'agit d'une révision d'un film culte, en fait, d'un sujet culte que l'on attribue et que l'on doit à... Bram Stoker. Il s'agit de Dracula. Cette fois-ci, c'est Dracula Untold, et qui compte toute attente, en fait, les miennes. Je dois dire que c'est fort surprenant comme film. C'est très bien fait. Et ça nous amène à un aspect du personnage de Vlad Tepes, bien sûr qui est Vlad Dilampaleur. Une autre facette qu'on n'a jamais vraiment énormément abordée. Oui, on l'avait fait un peu. Petit peu, mais très en surface avec la version de Francis Ford Coppola qui mettait en vedette Anthony Hopkins, et le rôle de Vlad était par j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir. Peu importe, on revient vraiment avant, à l'époque où Vlad était un conquérant, malgré lui un petit peu, et qu'il devait défendre sa terre, son pays contre l'invasion turque. C'est vraiment, vraiment bon. Et on comprend pourquoi il vendit son âme d'une certaine façon pour acquérir des pouvoirs supplémentaires. Non pas pour devenir l'incarnation du mal, mais bien pour pouvoir défendre son pays. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment bien fait. Je vous le conseille, Dracula Untold. Je vais m'arrêter après celui-ci pour prendre une petite pause. C'est Predestination, qui est un film de science-fiction. J'ai été très surpris aussi de ce film. En fait, c'est un film de science-fiction qui prend un certain temps à démarrer, mais il vaut vraiment le coup d'être écouté parce que c'est original, c'est très original et c'était très bien fait aussi. On va retourner en musique dans quelques temps, c'est-à-dire d'ici 9h, j'imagine. C'est une blague. Je veux juste vous dire que la semaine prochaine, à Réanimation, ce sera une émission à contexte. Est-ce que je peux dire ça? Thématique? Oui, peut-être, effectivement, parce que J'aurai un long bloc de pratiquement 45 minutes qui s'attardera à la New Wave of British Heavy Metal, dont tout à l'heure on a entendu un digne représentant, soit Venom. Donc un bloc qui se consacre en 80 et 83, je crois, ou 84 maximalement. Une dizaine de bandes, parce que je trouve que faut revenir sur ces racines-là. C'était un mouvement très, très, très important. Cette nouvelle vague du nouveau heavy metal britannique. Et je pense que il faut revoir ce qui a été fait pour comprendre ou du moins apprécier ou tout simplement rejeter ce qui se fait aujourd'hui. J'aurai aussi un bloc qui portera sur la Deuxième Guerre mondiale et j'ouvrirai l'émission avec le Big Four. Aussi cette semaine à Rock Classic, soit ce vendredi. Vendredi, nous serons le 6 février en compagnie du Rockmaster et de moi-même. Nous vous transporterons pour la dernière partie du spécial 1975. Et en fait, on pensait qu'on se rendrait jusqu'à une troisième épisode, troisième émission plutôt. C'est quasiment un téléroman, finalement, cette histoire-là. Et non, finalement, on va y aller à des choses plus essentielles, peut-être. Le Rockmaster va avoir encore sa chronique Groupe Obscur, album classique. Et moi, je vais vous déblatérer des stupidités. Peut-être plus que je le fais ici, parce que je veux essayer d'atteindre une espèce d'équilibre entre la stupidité complète et la stupidité débile légère. C'est bien dit, n'est-ce pas? Donc, ce vendredi, le 6 février, dès 11h, pour les vrais amateurs de vrai rock classique. Poursuivons métalliquement, musicalement, avec une formation de Suède. Une des rares formations dans le métal, dans ce genre de métal que j'ai toujours respecté. Il s'agit de At the Gates, une pièce qui est tirée de leur cinquième album. Une formation qui existe quand même depuis 1990, 5 albums, je trouve que c'est maigrichon comme discographie, mais bon, peut-être préfère-t-il la qualité à la quantité, sait-on jamais. On va poursuivre avec une excellente formation qui est très, très, très puissante, formation polonaise, je vous le donne. Hein? Oui? Behemoth, bien sûr, mais pas tiré de satanisme, mais bien tiré de leur Epixiads. Et on va conclure ce deuxième bloc avec cette troisième pièce, une formation à caractère, je dirais, ouais, effectivement, c'est un regroupement, une échange, une collectivité, la Sadek, formation américaine, et un extrait de leur deuxième parution. Donc, sans plus attendre, At the Gates, The Book of Abomination. Go.

20h11. Je te dirai animation. The Undead Incorporated Show. Jusqu'à 21h sur les ondes de C'est Fou. On vient tout juste d'entendre la très bonne pièce Another Sadek, Carrion Whispers, qu'on retrouve sur... En fait, c'est pas vraiment leur deuxième album, puisqu'il s'agit d'un mini-album, c'est un EP, soit The Malefic Chapter 3, qui est paru le 3 novembre dernier. C'était sur... Ben, en fait, c'est indépendant. Ce qu'il faut savoir avec Another Sadek, c'est que ce n'est pas le nom d'un groupe, mais c'est bien le nom d'un personnage. C'est quelqu'un qui, derrière les concepts de certains groupes metal extrême, comme... Black Metal, principalement. Burzum, je crois. Bon, en fait, des groupes comme ça. Et il a mis sur pied une formation en 2011 avec ce qui lui apparaissait être des candidats parfaits pour son concept. À l'époque, on a pu voir... Ben, en fait, on le voit encore, là. Il est toujours présent à la batterie, au drum, c'est Flo Mounier de Cryptopsy aussi. Il y avait Rowan Erickson à la guitare et Steve Tucker de ex-Morbid Angel au vocal. Maintenant, eh bien, la formation n'est plus exactement la même. Ça, c'était pour l'album In the Flesh qui est paru en 2011. Maintenant, on parle plutôt de Flo Mounier, toujours Travis Ryan au vocal, Martin Rigiel à la bass. Another Sadek, c'est celui qui fait le concept, la direction et l'écriture des pièces. Et Ron Erickson, toujours à la guitare, qui est aussi dans Aura Noire. C'est un album auquel j'ai donné une... Ben, en fait, il fait partie de ma section mention, mon top 10 mention. Il est à la 6e position. Ils n'arrivent pas, probablement pas à la hauteur de leur premier album studio complet. Non, ils n'arrivent pas à la hauteur, effectivement, de In the Flesh, mais il est vraiment pas mauvais. Nous avions juste auparavant la formation Behemoth, une formation polonaise qui n'est plus à présenter, bien sûr, qui est un des leaders du Black Death Metal. Formation qui existe depuis fort longtemps, doit-on dire, depuis 1991. Évidemment, à l'époque, ils étaient beaucoup plus black metal. Ils ont pris un tournant, disons, black death metal, peut-être plus avec... peut-être à partir de Pandemonic Incantation. Faudrait que je vérifie, me semble. C'est cet album-là, effectivement, qui ont fait prendre un tournant qui, moi, me plaît beaucoup plus. On parle ici du mini-album. On parle encore d'un EP qui est un septième pour eux. Septième EP pour Behemoth, soit Xiads, qui est paru le 1er novembre dernier. On a entendu la très bonne pièce Moonspell Rites. Notez que cet album, ben, en fait, cet album, ce mini-album Xiads de Behemoth fait partie de mon top 10. Il est à la 9e position. Et on a ouvert ce bloc avec At the Gates. At the Gates, qui est une formation, je dois dire, contrairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu d'aversion envers les groupes, entre guillemets, melodic death metal, principalement ceux qui viennent d'Europe. C'est pas de la ségrégation, c'est le style qui ne me plaît pas du tout, mais je dois dire qu'At the Gates, formation qui existe depuis 90, eh bien, ça me plaît. Je trouve que c'est correct. Ça sonne peut-être un petit peu moins européen. Puis, il y a surtout pas mal moins de notes que les Trailer of Bottom et compagnie là qui s'enfargent à force de faire des notes. S'enfargent pas, c'est une figure de style, mais il y en a tellement, là. Ben, c'est moi qui les enfarge avec ça. Cet album de At the Gates, soit At War with Reality, est paru le 27 octobre dernier. On a entendu The Book of Sin, The Abomination. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur dans le titre, je m'en excuse. C'est sous étiquette Century Media, c'était le 5e album. Comme je le disais, c'est pas très productif, hein. Compte tenu qu'on parle d'une formation de 1990, ben, il semble que 5 albums, là, il aurait pu faire un petit peu mieux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Retournons dans la chronique cinéma maintenant. Si vous le voulez bien, si vous voulez pas, je vais le faire pareil. Excellent film, connotation, possession démoniaque. Évidemment, on parle d'un film d'horreur. C'est un film qui met en vedette Eric Bana et Deliver Us From Evil. C'est un film que... en fait, quand je l'ai vu, là, quand j'ai eu le plaisir et le loisir de le voir, ça faisait longtemps que je me demandais qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air, ce film « Deliver Us From Evil ». Et j'ai été loin d'être déçu parce que c'est un excellent film qui remanie un peu les phénomènes de possession démoniaque à une sauce qui n'est pas nécessairement juste réchauffée, mais à laquelle on a ajouté des épices qui sont fort goûteuses. Autre film d'horreur qui pourrait rebuter plus d'un, moi-même initialement, je ne suis pas très très porté vers les films qui sont caméra à l'épaule. Je parle de As Above, So Below, qui est un film d'horreur c'est caméra à l'épaule, qui se passe majoritairement, je dirais pour 95% du film, dans les catacombes de Paris. Ben, c'est pas si pire, je dois dire, au niveau là, de la façon dont l'image est traitée du picture take, de la filmation, si je peux dire. Même si c'est à l'épaule, c'est pas si pire. C'est assez époustouflant par moment. Et c'est surtout très original comme film. Donc, c'est un film qui, si vous aviez aimé à l'époque, il y a un certain nombre d'années, un des premiers films du type là, qui avait fait sensation et qui, moi, m'avait fort déplu, je parle de Blair Witch Project, eh bien, je dois admettre que c'est dans la même essence, mais moi, j'ai trouvé que c'était de loin supérieur parce que c'est dans un environnement qui est encore plus évocateur. Très, très bon film. C'est vraiment excellent. Stonehearth Asylum, qui met en vedette... voyons comment il s'appelle déjà, dont le Alfred dans les nouveaux Batman. J'ai un blanc de mémoire. C'est horrible. Je vais aller vérifier un instant. Ah, que c'est donc long à voir ce qu'on veut. Quand on peut. Allez, load. Incroyable. Bon, ben, je vais vérifier tout à l'heure, je reviendrai avec ça. Et Kate Beckinsale. Et aussi, j'ai un autre dans la mémoire, mais je pense que ma tête est une passoire. Ben Kingsley, voilà. C'est un très, très bon film à connotation. Ben, ça se passe dans l'époque victorienne, ça se passe dans un asile psychiatrique avec des personnages assez farfelus, mais voire assez insolites et étranges. C'est vraiment très, très bon. C'est un film d'horreur, mais c'est un film à connotation beaucoup plus, je dirais, thriller fantastique, qui a une fin, ma foi, fort intéressante et je dirais, plus ou moins attendue. Donc, c'est à voir. Un des films pour lesquels j'étais vendu, je dois dire... c'était la troisième partie du Hobbit de Peter Jackson, soit le Battle of the Five Armies. J'ai trouvé ça très bon. Par contre, je dois dire que c'est selon moi le plus faible des trois. Des trois Hobbits, bien sûr, des trois segments. C'est le plus faible et il y a énormément. Il y a des longueurs. On aurait pu soustraire facilement une demi-heure au film pour arriver à l'essentiel. Chose que je me surprends de dire, parce que généralement, si on parle de la trilogie du Seigneur des Anneaux, toujours de Peter Jackson, moi, j'ai trouvé ça parfait comme ça. Faut aimer le genre, bien entendu. Mais celui-là de Hobbit, Battle of the Five Armies, j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs. Mais c'est quand même très bon. Un film que j'ai beaucoup aimé dans la catégorie super-héros, c'est The Amazing Spider-Man 2. J'avais pas aimé le premier parce que je trouvais que c'était trop synthétique. Et j'aime vraiment pas l'acteur dont j'oublie le nom, puis c'est pas important, qui incarne Peter Parker. Je ne l'aime pas plus dans le deuxième. Mais le deuxième film est beaucoup plus convaincant. Il y a beaucoup plus d'action. Et je trouve que le Spider-Man, du moins quand il est en costume, fait beaucoup plus comic book. Par contre... mon film de super-héros par excellence cette année, c'est vraiment Captain America The Winter Soldier. Ça, c'est vraiment très, très, très, très, très bon comme film de super-héros. C'est vraiment... c'est un des meilleurs qui a été fait dans la catégorie des films de Marvel. Il est même supérieur au premier Captain America que j'avais trouvé très bon. The Winter Soldier, c'est un excellent film. C'est vraiment... vraiment bien fait. Et évidemment, on va en avoir un troisième et on le veut tous, les amateurs. Par contre, je dois dire que voici mon numéro 1 de 2014 au niveau du cinéma. C'est un drame de guerre. J'ai adoré le film. Je l'ai encore réécouté en fin de le week-end dernier. Il s'agit de Fury, qui met en vedette Brad Pitt et Shia LaBeouf, entre autres. C'est vraiment excellent. Je lui donne un 9,5 sur 10, pratiquement une perfection. Je lui reproche simplement ceci. de ne pas avoir été long à assez long à 2h45. C'est vraiment très, très, très, très, très bon. C'est très violent aussi, je dois le dire. Vraiment très violent par moment. Et ça reflète effectivement une page d'histoire qui est horrible, celle de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Troisième Reich était confiné en Allemagne et que c'était vraiment l'avancée des Alliés pour se rendre soit aux côtés des Russes vers Berlin et par la suite des Anglais, des Américains, principalement des Américains, pour mettre fin à ce massacre. Donc, Fury, c'est vraiment excellent. Je le conseille absolument à tout le monde. Même si vous n'aimez pas les films de guerre, ce film-là est tellement bien fait. Les personnages sont tellement, tellement convaincants. Et faut le dire, Brad Pitt, c'est un acteur qui est excellent. Ceci étant dit, nous allons... j'aurai encore une petite mini-chronique cinéma, évidemment, pour ce que j'ai vu là au courant de la semaine dernière et du week-end. Mais on va continuer musicalement cette fois-ci avec Formation américaine, qui en est son 8e album. Formation dont je n'ai jamais été vraiment un grand fan, une fois de plus. C'est à croire que j'aime pas grand-chose. C'est faux, j'aime plein de choses, c'est juste que je le dis pas. Formation, par contre, que j'ai toujours admis qu'ils ont de bonnes choses. Formation qui existe depuis 1992, il s'agit de Machine Head. Il s'agit de leur 8e album, comme je l'ai dit, qui porte le titre de Bloodstone and Diamonds. C'est un album qui est fort correct. Et la première pièce, moi, en fait, je trouve que c'est de loin la meilleure. Il y a un aspect dedans un petit peu symphonique qui devient un petit peu, je dirais, space par moment, que j'ai bien aimé. On va écouter la pièce Now We Die. On va poursuivre avec Stealing Action, une autre formation américaine qui est une jeune formation, son deuxième album. Et on va conclure ce bloc avec Bloodbath, la 4e parution de cette formation suédoise. Donc, allons-y tout de suite avec Machine Head. Go! Hey! they are wrong will scream with me. I do believe I need your help, for I have melt helpless as skies. Samedi le 7 février prochain à 21h30, votre café-bar Le Zénob vous offre le spectacle de Marie-Pierre Daigle. En première partie, Sam Solo, 5$ à la porte. Pour une soirée teintée de jazz et de trad, venez vous faire brasser la conscience avec humour en compagnie de Marie-Pierre Daigle ce samedi 7 février au Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Soldats, ça fait des semaines qu'on se prépare. Il est temps de passer à l'attaque. Soyez des hommes! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on parle aux toilettes avant? aux toilettes avant! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi le 9 février, venez voir les rouges et les oranges s'affronter dans un duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou d'originalité. Sur le campus, c'est le 89. 20h43, l'émission s'achève. Ne pleurez pas, je reviendrai peut-être la semaine prochaine. Probablement, oui, je pense que oui. On vient d'entendre la formation Bloodbath, formation suédoise, qui bien entendu est une formation de death metal, et qui sortait le 17 novembre dernier leur quatrième album complet studio qui porte le titre de Grant Morbid Funeral. Bon, je l'ai dit souvent, je vais le répéter, bien entendu, ce n'est plus le vocal de notre si appréciable Mike Akerfeld. Non, Mike n'est plus dans Bloodbath, peut-être reviendra-t-il à un certain moment donné. Il faut savoir que c'était quand même juste un side project pour lui. C'est maintenant Old Nick Holmes, qui prend la barre du vocal. Nick Holmes, que l'on retrouve, pour lequel on connaît, bien sûr, avec sa participation dans Paradise Lost. Formation qui est assez étrange, je dois dire, Paradise Lost, parce que par moments, il y a des séquences qui sont doom, death, très, je dirais, morbides et caverneux. Puis d'autres moments, ils ont des albums qui sont pratiquement de l'alternatif. C'est dur à suivre, mais bon, il fait un bon travail avec ça. Faut le dire, faut l'avouer. Nick Holmes fait un bon travail de vocal avec sa nouvel album de Bloodbath, soit Grand Morbid Funeral. D'ailleurs, est-ce que je lui ai donné quelque chose de particulier, moi, à ce Bloodbath? Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Et je crois que non. Je crois que non. Je lui ai pas donné de mention particulière en tant que telle. Ah ben, c'est très méchant de ma part, ça. Ben, c'est pas... Oui, c'est ma 10e, je suis là, moi. C'est ma 10e position de mon top 10. J'ai une grande mémoire, c'est extraordinaire. Juste avant, nous avions la formation Stealing Action. Stealing Action, c'est une formation américaine qui est une jeune forme, relativement jeune, depuis 2010. Ben oui, jeune, qui donne dans un métal à tendance death et progressif. Moi, j'ai découvert cette formation-là avec cet album-là qui porte le titre de Ions, qui est paru le 11 novembre dernier. Sous une étiquette qui porte le nom d'Indépendant. Et j'ai quand même trouvé ça, ma foi, très intéressant. Bon, ça réinvente pas la roue, mais qui la réinvente, la roue, maintenant? Hein? Elle a été inventée une fois et je pense que c'était tout, là. C'est intéressant, c'est bien fait, je dois dire. Bah, il y a le côté vocal, quelquefois, qui est peut-être pas assez ou trop, selon langue où on se place, langue d'écoute où on se place, mais bon, c'est quand même fort correct, je dois dire. C'est seulement leur deuxième album. Le premier étant paru en 2012 au titre de Moments. Et on a ouvert avec Machine Head, une autre formation, ben oui, une autre formation américaine. Formation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très correct. Semble-t-il que le leader chanteur est un parfait imbécile. Ben ça, je n'ai pas à vivre avec, donc ça ne change pas grand-chose dans ma vie. La pièce étant Now We Die, qui est la pièce d'ouverture de cet album, Bloodstone and Diamonds, qui lui est paru le 7 novembre dernier sous étiquette Nuclear Blast. Moi, j'ai trouvé ça très correct. En fait, je pense que je lui avais accordé un 7 sur 10, ce qui est loin d'être une mauvaise note. honnêtement, c'est peut-être pas l'album que je vais réécouter le plus souvent cette année ou dans le futur, mais je vais penser à cet album à l'occasion pour, en fait, au moins en diffuser ici, parce que c'est très correct. Oui. Côté cinéma, de ce que j'ai pu voir depuis la semaine dernière, depuis la dernière émission, ce qui m'a plu, ce qui m'aura déplu, bien, je vais commencer avec ce qui m'a déplu, qui est un film, je vous disais que j'étais pour vous parler du film Wolves, qui est un film d'horreur, évidemment, de loup-garou. Un film de 2014 de David Hayter, qui met en vedette Lucas Steele, qui est vraiment pas bon. On dirait un petit chanteur d'un boys band, là. Ben écoutez, le film est pas bon. Le film met en vedette aussi. Ben ça, j'ai été très surpris de voir Jason Momoa dans ce film-là. Bon, Jason Momoa, c'est pas un grand acteur, mais il nous a donné une très bonne prestation dans Conan. Et généralement, ben, c'est sûr qu'il est là pour son physique, bien entendu, mais il a un faciès assez particulier aussi. Il avait été connu en Stargate aussi. Et qui met en vedette John Piper Ferguson aussi dans le casting. C'est j'ai pas donné un zéro parce que par moment, ça m'a fait rire. Je dois le dire, c'était probablement pas le but du film, mais ça m'a fait rire parce que les loups-garous ressemblent à des chats. Moi, j'aime beaucoup les chats, hein. Mais pas en sauce, non. J'aime beaucoup les voir évoluer vivants. Et j'ai trouvé ça très drôle de voir qu'on voulait faire un film sérieux de loups-garous, mais que les loups-garous ont l'air de chats. Donc, ça valait pour les rigolades que j'ai eues dans le film, ça valait un 4 sur 10. Mais perdez pas votre temps avec ça, ça vaut vraiment pas la peine. Autre film que j'ai trouvé, ma foi, fort moyen, c'est un trailer qui s'appelle Open Windows, qui est un film de Nacho Vigalondo, qui met en vedette Elijah Wood et Sacha Grey. C'est un film de haute technologie, là. C'est un film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se fait avoir un faux concours pour rencontrer une actrice dont il est, je dirais pas amoureux, là, mais dont il idolâtre pour le moins. Et c'est un faux concours et il se ramasse dans un hôtel, une suite qui est supposément payée par l'agent de cette actrice-là. Et en fait, il est dans un guet-apens informatique. C'est assez long. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Puis Elijah Wood, honnêtement, même si j'ai beaucoup aimé la trilogie du Seigneur des Anneaux, cet acteur-là me revient pas. Il y a une face d'enfant battu. Il y a une face de peau de rôle qui est toujours en train de pleurer. Puis ça m'énerve. Puis là-dedans, ben comme il était pas dans le cadre du Seigneur des Anneaux, dont je suis un fan depuis bien, bien longtemps, ben ça a pas passé. Mais il reste que le film est pas très bon. Et le film est assez long pour pas grand-chose en bout de ligne. Film, par contre, que j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé, et c'est un conseil de mon ami Tower. C'est un drame à connotation musicale, bien entendu. C'est un film de Damien Chazelle qui met en vedette Miles Taylor et J.K. Simon. J.K. Simons, vous allez lui voir le faciès et vous allez le reconnaître probablement tout de suite. C'est un excellent film qui raconte l'histoire d'un jeune qui s'inscrit dans un des meilleurs conservatoires de musique à Manhattan, et il s'entraîne pour devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Il a beaucoup de talent, mais il est aussi torturé par son professeur, un ami Fletcher, qui est vraiment une sale peau de chien. Qui est vraiment quelqu'un de absolument ignoble envers tous ses étudiants, aller jusqu'à leur tirer des instruments par la tête, les humilier publiquement, les renvoyer pour rien, leur crier dans les oreilles à tue-tête, les rabaisser. Et c'est l'obstination de ce jeune pour surpasser ces épreuves-là, pour devenir vraiment quelqu'un de bien. C'est dans une musique, dans un environnement de jazz, mais c'est vraiment excellent comme film. C'est vraiment très, très bon. D'ailleurs, je remercie Tower de m'avoir conseillé. Je lui ai donné un 9 sur 10. En fait, je disais tout à l'heure que mon meilleur film de 2014 était Fury. Je me suis trompé, c'était pas 9 sur 10, mais bien 9,5 sur 10 que je lui avais dit. Donc, il était pratiquement ex aequo avec Fury. Le film que je vous conseille... Non, une autre suggestion que j'ai eu mon bon ami Rockmaster, c'est une comédie qui met en vedette Mark Wahlberg et Mila Kunis et Seth MacFarlane, qui est aussi le cinéaste de cette production qui est une comédie qui porte le nom de Ted. C'était de ridicule. Mais j'ai eu du bon temps, je dois dire. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait donner à Noël un ourson en peluche. Il souhaite que l'ourson devienne vivant. Et ça se passe. Le lendemain, il se réveille, son ourson, dont il l'a baptisé Ted, est vivant. Ils grandissent ensemble, devenant les meilleurs amis du monde, jusqu'à ce que John Bennett, qui est interprété par Mark Wahlberg, devienne un adulte et qui, ben, sa propre blonde et suite, et que Ted soit devenu un ourson quelque peu débauché. Bon, bref, c'est un film avec d'excellents moments de rigolade dedans. C'est pas le film de l'année, quoi qu'il en sorte une deuxième partie le 26 juin de cet été, mais ça valait amplement un 7 sur 10. Le film que je vous recommande de voir ou de découvrir, c'est un double feature de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, et c'est Grindhouse, double feature, Planet Terror et Death Proof, qui mettra en vedette Kurt Russell, Zoe Bell, Rosario Dawson. C'est vraiment très bon. C'est kitsch, c'est la connotation années 70. Il y a des choses qui se peuvent pas. C'est incroyablement trop, mais c'est vraiment excellent. Grindhouse, je vous conseille de voir ça. On va avoir la peine, le temps de se laisser avec une dernière pièce. Cette fois-ci, ben, en fait, j'ai quand même deux, trois petits trucs à dire avant de parler de cette pièce. Faut dire qu'il y a eu d'autres sorties, bien entendu. Je ne couvre absolument pas la totalité des sorties métal parce que je ferai une émission pendant pratiquement 6 mois consacrée uniquement à ça. Et ils sont loin de tous m'avoir plu aussi, je dois en convenir. Donc, mais il y a une chose que je dois dire. J'y suis allé avec mes goûts personnels, bien entendu, et j'ai essayé d'être le plus, je dirais, objectif possible dans mes présentations, parce que je n'ai pas présenté que des coups de cœur, bien entendu. J'ai présenté des trucs qui m'avaient plu, oui, mais moins. Mais par contre, il y a une chose qui m'a vraiment déplu cette année, et j'ai trouvé vraiment mauvais. C'est la 9e sortie de la formation américaine Obituary, l'album qui porte le titre de Inked in Blood et qui est paru sur Relapse le 24 octobre dernier. J'ai trouvé ça très mauvais. Je pense sincèrement que Obituary devrait penser à reviser sa façon de faire la musique ou peut-être même de prendre encore une pause parce que c'est très ennuyant ce qu'ils ont fait. Le Rockmaster ne sera pas d'accord avec moi. À que cela ne tienne. La dernière apparition de la formation suédoise Opeth. Opeth, une formation que j'aime énormément. On parle du 11e album Pale Communion qui est paru le 28 août. Pour moi, ça a été relativement une déception, je dois le dire. Il y a quelques bons highlights dans l'album. Quelques très bonnes pièces, je dois le dire. Mais pour moi, la majorité de l'album était décevant. Bref, que voulez-vous que je vous dise? Ce sont des goûts et c'est subjectif. Le dernier coup de cœur que je vais vous présenter ce soir, c'est une formation qui, oh là là, vient de Slovénie. Moi, je savais même pas qu'il y avait de la musique qui venait de là. En fait, je savais même pas que le pays existait, je pense. Bon, c'est pas vrai, ça, là, j'exagère. Mais je pouvais pas imaginer. Et ça, encore là, c'est une idée préconçue qui est très mauvaise à avoir. Un pays comme la Slovénie, des groupes métal, hein? Ben oui, effectivement. Puis il doit en avoir partout des groupes métal, finalement. C'est un groupe qui initialement donnait dans un melodic black metal. Ils sont devenus symphonic black death metal. Et maintenant, ils sont beaucoup plus industrial groove metal. Et ça me plaît beaucoup. C'est Noctiferia. C'est une formation qui existe depuis 1992. Ils n'ont que 5 albums. C'est leur 5e album en 92, ma foi, 23 ans d'existence ou à peu près. J'ai découvert ça avec la nouvelle sortie de cette année, soit le 5 décembre dernier, l'album Pax. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et je dois dire que Pax est un album qui fait très différent de ce qu'on peut connaître du métal industriel. C'est beaucoup moins machine, quoi qu'il y ait une portion machine qu'on ressent énormément. Moi, je lui ai donné une troisième place aux mentions dans mon top 10 des mentions de 2014. Je vais vous présenter, je vais vous quitter sur une dernière pièce qui porte le titre de Sleeper is Awake. C'est tiré de l'album Pax, paru le 5 décembre dernier. Jusque-là, la semaine prochaine, avec mon spécial New Wave of British Heavy Metal et d'autres trucs comme la Deuxième Guerre mondiale. Et n'oubliez pas, ce vendredi 11h, c'est Rock Classique avec le Rockmaster et moi-même. On va bien rigoler. Donc, sur ce, les bonnes prescriptions et les bonnes paroles de vos docteurs sont ceux-ci. Allez tous vous faire foutre. Ciao.